Faudrait-il chaque fois qu'il conclut un pacte qu'une partie d'entre eux le dénonce ? C'est que plutôt la plupart d'entre eux ne sont pas croyants.